Chapitre 6e. Une aventure au Bezestin. Nous chevauchions ainsi, le peintre et moi, suivis d'un âne qui portait le daguerréotype, machine compliquée et fragile, qu'il s'agissait d'établir quelque part de manière à nous faire honneur. Après la rue que j'ai décrite, on rencontre un passage couvert en planches où le commerce européen étale ses produits les plus brillants. C'est une sorte de bazar où se termine le quartier franc. Nous tournons à droite, puis à gauche, au milieu d'une foule toujours croissante. Nous suivons une longue rue très irrégulière qui offre à la curiosité, de loin en loin, des mosquées, des fontaines, un couvent de derviches et tout un bazar de quincaillerie et de porcelaine anglaise. Puis, après 1000 détours, la voie devient plus silencieuse, plus poudreuse, plus déserte. Les mosquées tombent en ruine, les maisons s'écroulent çà et là. Le bruit et le tumulte se reproduisent plus que sous la forme d'une bande de chiens criards acharnés après nos ânes et poursuivant surtout nos affreux vêtements noirs d'Europe. Heureusement, nous passons sous une porte, nous changeons de quartier et ces animaux s'arrêtent en grognant aux limites extrêmes de leur possession. On sait déjà que toute la ville est partagée en 53 quartiers entourés de murailles, dont plusieurs appartiennent aux nations coptes, grecques, turques, juives et françaises. Les chiens eux-mêmes, qui pullulent en paix dans la ville sans appartenir à personne, reconnaissent ces divisions et ne se hasarderaient pas au-delà sans danger. Une nouvelle escorte canine remplace bientôt celle qui nous a quittés et nous conduit jusqu'au casin situé sur le bord d'un canal qui traverse le Caire et qu'on appelle le Caliche. Nous voici dans une sorte de faubourg séparé par le canal des autres parties de la ville. Des cafés ou casinos nombreux bordent la rive intérieure, tandis que l'autre présente un assez large boulevard égayé de quelques palmiers poudreux. L'eau du canal est verte et quelque peu stagnante, mais une longue suite de berceaux et de treillages festonnés de vignes et de lianes, servant d'arrière-salle au café, présente un coup d'œil des plus riants, tandis que l'eau plate qui les cerne reflète avec amour les costumes bigarrés des fumeurs. Les flacons d'huile des lustres s'allument au seul feu du jour, les narguilés de cristal jettent des éclairs, et la liqueur ambrée nage dans les tasses légères que des noirs distribuent avec leurs coquetiers de filigrane dorée. Après une courte station à l'un de ces cafés, nous nous transportons sur l'autre rive du Caliche et nous installons sur des piquets l'appareil où le dieu du jour s'exerce si agréablement au métier de paysagiste. Une mosquée en ruine aux minarets curieusement sculptés, un palmier svelte s'élançant d'une touffe de lentisques, c'est, avec tout le reste, de quoi composer un tableau digne de Marilla. Mon compagnon est dans le ravissement, et pendant que le soleil travaille sur ses plaques fraîchement polies, je crois pouvoir entamer une conversation instructive en lui faisant au crayon des demandes auxquelles son infirmité ne l'empêche pas de répondre de vive voix. « Ne vous mariez pas, s'écrie-t-il, et surtout ne prenez point le turban. Que vous demande-t-on ? D'avoir une femme chez vous, la belle affaire, j'en fais venir tant que je veux. Ces marchandes d'oranges en tunique bleue avec leurs bracelets et leurs colliers d'argent sont fort belles. Elles ont exactement la forme des statues égyptiennes, la poitrine développée, les épaules et les bras superbes, la hanche peu saillante, la jambe fine et sèche. C'est de l'archéologie. Il ne leur manque qu'une coiffure à tête d'épervier, des bandelettes autour du corps et une croix en C à la main pour représenter Isis ou Hathor. Mais vous oubliez, dis-je, que je ne suis point artiste, et d'ailleurs, ces femmes ont des maris ou des familles. Elles sont voilées. Comment deviner si elles sont belles? Je ne sais encore qu'un seul mot d'arabe. Comment les persuader? La galanterie est sévèrement défendue au Caire, mais l'amour n'est interdit nulle part. Vous rencontrez une femme dont la démarche, dont la taille, dont la grâce a drapé ses vêtements, dont quelque chose qui se dérange dans le voile ou dans la coiffure indique la jeunesse ou l'envie de paraître aimable. Suivez-la seulement, et si elle vous regarde en face au moment où elle ne se croira pas remarquée de la foule, prenez le chemin de votre maison, elle vous suivra. En fait de femme, il ne faut se fier qu'à soi-même. Les drogmans vous adresseraient mal, il faut payer de votre personne, c'est plus sûr. Mais au fait, me disais-je, en quittant le peintre et le laissant à son œuvre, entouré d'une foule respectueuse qui le croyait occupé d'opérations magiques, pourquoi donc aurais-je renoncé à plaire? Les femmes sont voilées, mais je ne le suis pas. Mon teint d'Européen peut avoir quelque charme dans le pays. Je passerai en France pour un cavalier médiocre, mais au Caire je deviens un aimable enfant du Nord. Ce costume franc, qui ameute les chiens, me vaut du moins d'être remarqué, c'est beaucoup. En effet, j'étais rentré dans les rues populeuses et je fendais la foule étonnée de voir un franc à pied sans guide dans la partie arabe de la ville. Je m'arrêtais aux portes des boutiques et des ateliers, examinant tout d'un air de flânerie inoffensive qui ne m'attirait que des sourires. On se disait « il a perdu son drogman, il manque peut-être d'argent pour prendre un âne ». On plaignait l'étranger fourvoyé dans l'immense cohue des bazars, dans le labyrinthe des rues. Moi, je m'étais arrêté à regarder trois forgerons au travail qui semblaient des hommes de cuivre. Ils chantaient une chanson arabe dont le rythme les guidait dans les coups successifs qu'ils donnaient à des pièces de métal qu'un enfant apportait tour à tour sur l'enclume. Je frémissais en songeant que si l'un d'eux eût manqué la mesure d'un demi-temps, l'enfant aurait eu la main broyée. Deux femmes s'étaient arrêtées derrière moi et riaient de ma curiosité. Je me retourne et je vois bien à leur mantille de taffetas noir, à leur par-dessus de levantine verte, qu'elles n'appartenaient pas à la classe des marchandes d'oranges du Mouski. Je m'élance au-devant d'elles, mais elles baissent leur voile et s'échappent. Je les suis et j'arrive bientôt dans une longue rue entrecoupée de riches bazars qui traversent toute la ville. Nous nous engageons sous une voûte à l'aspect grandiose, formée de charpentes sculptées d'un style antique où le vernis et la dorure rehaussent mille détails d'arabesques splendides. C'est là peut-être le Bezestin des Circassiens, où s'est passée l'histoire racontée par le marchand Koft au sultan de Kasgar. Me voilà en pleine mille et une nuits, que ne suis-je un des jeunes marchands auxquels les deux dames font déployer leurs étoffes, ainsi que faisait la fille de l'émir devant la boutique de Bedreddin. Je leur dirai comme le jeune homme de Bagdad, « Laissez-moi voir votre visage pour prix de cette étoffe à fleurs d'or, et je me trouverai payé avec usure. » Mais elles dédaignent les soirées de Beyrouth, les étoffes brochées de Damas, les mandis de brousse que chaque vendeur étale à l'envi. Il n'y a point là de boutique, ce sont de simples étalages dont les rayons s'élèvent jusqu'à la voûte, surmontés d'une enseigne couverte de lettres et d'attributs dorés. Le marchand, les jambes croisées, fume sa longue pipe ou son narguilé sur une estrade étroite, et les femmes passent ainsi de marchand en marchand, se contentant, après avoir tout fait déployer chez l'un, de passer à l'autre en saluant d'un regard dédaigneux. Mes belles rieuses veulent absolument des étoffes de Constantinople. Constantinople donne la mode au Caire. On leur fait voir d'affreuses mousselines imprimées en criant « Istanbulda, c'est de Stamboul ». Elles poussent des cris d'admiration. Les femmes sont les mêmes partout. Je m'approche d'un air de connaisseur. Je soulève le coin d'une étoffe jaune, à ramage litvin et je m'écris « Taïeb, cela est beau. Mon observation paraît plaire. C'est à ce choix qu'on s'arrête. » Le marchand aune avec une sorte de demi-mètre qui s'appelle un pic et l'on charge à un petit garçon de porter l'étoffe roulée. Pour le coup, il me semble bien que l'une des jeunes dames a regardé en face. D'ailleurs, leur marche incertaine, les rires qu'elles étouffent en se retournant et me voyant les suivre, la mantille noire, la habara, soulevée de temps en temps pour laisser voir un masque blanc, signe d'une classe supérieure, enfin toutes ces allures indécises que prend au bal de l'opéra un domino qui veut vous séduire, semblent m'indiquer qu'on n'a pas envers moi des sentiments bien farouches. Le moment paraît donc venu de passer devant et de prendre le chemin de mon logis, mais le moyen de le retrouver? Au Caire, les rues n'ont point de nom, les maisons pas de numéro, et chaque quartier, ceint de murs, est en lui-même un labyrinthe des plus complets. Il y a 10 impasses pour une rue qui aboutit. Dans le doute, je suivais toujours. Nous quittons les bazars pleins de tumulte et de lumière, où tout reluit et papillote, où le luxe des étalages fait contraste au grand caractère d'architecture et de splendeur des principales mosquées, peintes de bandes horizontales jaunes et rouges. Voici maintenant des passages voûtés, des rues étroites et sombres, où surplombent les cages de fenêtres en charpente, comme dans nos rues du Moyen-Âge. La fraîcheur de ces voies presque souterraines est un refuge aux ardeurs du soleil d'Égypte et donne à la population beaucoup des avantages d'une latitude tempérée. Cela explique la blancheur mate qu'un grand nombre de femmes conservent sous leur voile, car beaucoup d'entre elles n'ont jamais quitté la ville que pour aller se réjouir sous les ombrages de Choubra. Mais que penser de tant de tours et détours qu'on me fait faire? Me fuit-on en réalité ou se guide-t-on, tout en me précédant sur ma marche aventureuse? Nous entrons partout dans une rue que j'ai traversée la veille et que je reconnais surtout à l'odeur charmante que répandent les fleurs jaunes d'un arbousier. Cet arbre aimé du soleil projette au-dessus du mur ses branches revêtues de houppes parfumées. Une fontaine basse formant coignure, fondation pieuse destinée à désaltérer les animaux errants. Voici une maison de belle apparence, décorée d'ornements sculptés dans le plâtre. L'une des dames m'introduit dans la porte une de ces clés rustiques dont j'ai déjà l'expérience. Je m'élance à leur suite dans le couloir sombre, sans balancer, sans réfléchir, et me voilà dans une cour vaste et silencieuse, entourée de galeries, dominée par les mille dentelures des mouches arabies.